À 14, je sais, je crois. أعرف, أعتقد. Écoutez et répétez. Je sais la réponse. أعرف الجواب. Je sais beaucoup de choses à ce sujet. أعرف الكثير عن هذا الموضوع. Je sais ce que vous pensez de moi. أعرف ما تفكره عني. Je sais que ce travail est difficile. أعرف أن هذا العمل صعب. Je sais que rien ne lui plaît. أعرف أن لا شيء يعجبه. Je sais qu'il n'aime pas le brouillard. أعرف أنه لا يحب الضباب. Je sais que tu l'aimes, Sami. أعرف أنك تحبها. Je sais qu'il est malade. أعرف أنه مريض. Je ne sais rien. لا أعرف شيئا. Savez-vous où il travaille ? هل تعلم أين يعمل ؟ Savez-vous pourquoi il est en colère ؟ هل تعلم لماذا هو غضبان ؟ Savez-vous qui est cet homme ؟ هل تعلم من هذا الرجل ؟ Savez-vous qui a gagné ؟ هل تعلم من ربح ؟ Savez-vous à quelle heure nous arrivons ؟ هل تعلم في أي ساعة نصل ؟ Savez-vous s'il va pleuvoir ؟ هل تعلم إذا كانت ستمطر ؟ Je crois qu'il a raison. أعتقد أن الحق معه. Je crois qu'elle a tort. أعتقد أن الحق عليها. Je crois qu'elle est partie. أعتقد أنها غادرت. Je ne crois pas que cela soit possible. لا أعتقد أن ذلك ممكن. Croyez-vous qu'il viendra ؟ هل تعتقد أنه سيأتي ؟